franceinter.com. C'est un sujet qui a toujours excité les imaginations, l'or des nazis. Ce trésor accumulé au fil des pillages et des exactions tout au long des années d'occupation des pays européens et qui aurait mystérieusement disparu à la fin de la guerre. Aurait-il été immergé dans un lac alpin ? Ou bien aurait-il servi à financer les filières d'évasion des nazis ? Ou bien encore aurait-il été utilisé pour perpétuer insidieusement l'idéologie nazie grâce à quelques fructueux investissements et l'infiltration de partis politiques ayant pignon sur rue? Le sujet continue à intriguer et passionner. Mais il faut croire qu'il demeure délicat, sinon dangereux. La paisible chaîne de télévision Arte, qui ne nous a jamais habitués à provoquer des éclats, a pourtant été l'objet d'une véritable polémique en décidant de garder sous le coude un film consacré à l'argent des nazis et à sa destination. Et si le système Octogone va être enfin diffusé le 1er juin, c'est grâce à l'obstination de son réalisateur Jean-Michel Meurice qui, pendant 3 ans, a refusé toute censure. Avec Monsieur X, nous avons visionné ce film passionnant et nous avons enregistré ensuite ce nouvel entretien où mon interlocuteur, qui m'a souvent parlé de ce sujet, a ajouté son petit grain de sel au travail de recherche effectué par Meurice et ses 2 journalistes enquêteurs, Fabrizio Calvi et Franck Garbelli. Welcome, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just les enchantés. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome, bienvenue. Welcome im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Konferencier. I am your host und sage willkommen, bienvenue. Welcome im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Il faut d'abord s'interroger, pourquoi un documentaire sur l'or des nazis dérange-t-il encore aujourd'hui? Bah, votre réponse alors? Bah, elle est double. On aborde là une question qui fait encore débat, celle de la dénazification. Et à l'évidence, toutes les études le prouvent, cette indispensable opération de nettoyage politique n'a pas été menée à son terme. Et même, enfin, disons-le tout net, elle a été sciemment sabotée ou négligée par les dirigeants de la Nouvelle-Allemagne. Bah, ce qui revient à mettre en cause alors un personnage quasi mythique de l'histoire allemande, hein, le chancelier Konrad Adenauer. Hein. Exactement. Et deuxièmement, on aborde un sujet très polémique, le financement occulte des partis politiques et en particulier celui de la démocratie chrétienne. Ouais, c'est-à-dire la CDU, hein, le parti d'Adenauer. Et voilà pourquoi ce film, le système Octogone, a fait l'objet de nombreuses manœuvres d'obstruction et même de censure. Oui, de la part de la moitié allemande de la chaîne Arte. Évidemment. Ouais. Alors, bah, commençons par expliquer ce titre énigmatique, là, le système Octogone. Octogone, c'est à la fois le nom d'une splendide demeure édifiée au Liechtenstein pendant la Seconde Guerre mondiale par le personnage clé de cette affaire, Rudolf Ruschewey. Et aussi le nom de la société qu'il a créée au début des années 50. Une société qui a en particulier contribué à laver l'argent sale des nazis. Et donc ce fameux trésor des nazis qui a donc bien existé. Naturellement, mais pas sous la forme sous laquelle on l'a imaginé. Même si ici ou là, les forces alliées ont retrouvé des œuvres d'art volées, des lingots d'or soigneusement dissimulés. Alors sous quelle forme ? Dès janvier 1997, nous venions alors tout juste de commencer cette série d'entretiens qui nous réunit encore aujourd'hui, je vous ai raconté la création du réseau Odessa. Oui, qu'on a aussi appelé la Rat Line, la route des rats. C'est-à-dire la filière qui a permis à quelques centaines ou milliers de criminels de guerre d'échapper à la justice et de fuir principalement vers l'Amérique du Sud. Et pour commencer, j'avais évoqué une réunion secrète qui s'est tenue au cours de l'été 1944 à Strasbourg, à l'hôtel Maison Rouge, plus précisément, place Kléber. Oui, rappelez-moi, qui était là, là ? Il y avait là la crème de l'industrie allemande, les grands noms de l'industrie et de la banque allemande. Krupp, Rochling-Werke, Messerschmitt-Werke, Rheinmetall, ainsi que des membres des ministères de l'armement et de la marine. Tous appartenaient au cercle des amis du Reichsführer SS Himmler. Et qui organisait cette réunion ? Le RSHA, c'est-à-dire le service de renseignement du parti nazi. Et c'est le docteur Robert Scheid qui préside, un industriel qui est aussi officier SS. Il commence ainsi. La guerre a peu de chances d'être gagnée. Bah, c'est une évidence, à l'été 44. Hein. Les alliés ont débarqué en France et Paris va bientôt être libéré. Oui, quelques jours après la tenue de cette conférence. Par conséquent, il faut d'ores et déjà préparer l'avenir. C'est-à-dire Après l'inéluctable défaite, il faut donc se donner les moyens de financer un nouveau parti nazi. Et donc songer à l'édification d'un nouveau Reich pour remplir cet objectif. Il convient de cacher de l'argent à l'étranger. Ce Robert Scheide demande donc la contribution de tous ces puissances industrielles. Ah, pas du tout. Et ce qu'il annonce est assez inouï. Dès maintenant, dit-il, le gouvernement est décidé à verser aux industriels des sommes considérables et qui seront placées par leurs soins à l'étranger et joints aux capitaux déjà exportés. Ils constitueront une réserve à la disposition du nouveau parti nazi qui, après la débâcle, s'efforcera de reconquérir le pouvoir. Et tu y crois vraiment ? En tout cas, ils donnent tous leur accord. Ainsi que ces grands groupes industriels reçoivent alors d'énormes sommes d'argent et ouvrent des comptes à l'étranger au nom de sociétés écrans pour placer cet argent. Oui, mais j'imagine que le gouvernement nazi, enfin, même s'il s'adresse à des fidèles, doit quand même prendre des précautions avant de distribuer cette manne. Oh, bien entendu. Un organisme central désigne les titulaires de signature pour les coffres et les comptes bancaires. Autre garantie importante, il faut plusieurs signatures pour chaque compte et les titulaires ne se connaissent pas. Je comprends mieux là. Mais comment a-t-on pu percer le secret de cette réunion qui a dû être très confidentielle ? Des gardes armés étaient même postés dans cet hôtel. Mais ce que ne pouvaient savoir ces nazis, c'est que l'un des participants était un agent double. Un homme qui travaillait pour les services secrets français. Les services de renseignement occidentaux ont donc été assez vite informés des principales dispositions prises au cours de cette réunion. Et avec quelles conséquences alors ? Dès la fin de la guerre, les alliés, surtout les Américains, se lancent à la chasse au trésor. De quelle façon ? Il leur faut identifier ces sociétés créées par les Allemands pour y mettre à l'abri l'argent du Troisième Reich. Et ce n'est pas une mince affaire. Oui, à cause du secret bancaire notamment. Bien sûr. Ouais. Pourtant, en 1945, les services américains parviennent quand même à identifier plusieurs centaines de ces sociétés, dont plus de 200 en Suisse, et un peu plus de 100 en Espagne, comme en Argentine, et aussi quelques autres au Liechtenstein. Donc dans les paradis fiscaux de l'époque. Et après avoir réussi cette identification-là, que se passe-t-il ? On peut prendre des mesures conservatoires. En Suisse, par exemple, le gouvernement fédéral gèle tous les avoirs allemands. Du moins, ceux qui ont été repérés. Au total, en 1945, il y en a pour 1 milliard de francs suisses. Mais ce que voudraient surtout les alliés, c'est récupérer cet argent. Mais comment est-ce possible, alors ? Les alliés font pression sur la Suisse, le pays coffre-fort le plus impliqué dans cette affaire. La Suisse qui, par ailleurs, durant la Seconde Guerre mondiale, n'a pas toujours eu un comportement irréprochable. C'est certain. Les alliés obtiennent malgré tout un premier succès. En mai 1946, la Suisse signe le traité de Washington par lequel elle s'engage à céder 50% de ses avoirs allemands. Mais à une double condition. Il doit s'agir de biens appartenant à des Allemands résidant en Allemagne Et ensuite, l'argent cédé aux gouvernements alliés doit être utilisé pour la reconstruction de l'Allemagne. Ça donne l'impression que les banquiers suisses ne semblent guère pressés. Hein. Ça ne vous étonnera pas. Ils se débrouilleront pour ne rien verser aux alliés. Il faut attendre 1952 pour que la situation se débloque. La Suisse, l'Allemagne de l'Ouest et les alliés signent 3 traités internationaux. L'Allemagne peut enfin récupérer une partie de l'argent. Toutefois, certains fonds n'ayant apparemment pas de propriétaire resteront bloqués. Mmh. Bilan de l'opération, alors ? Oh, bah, une guerre brillante. Et sur ce point, je me fie à un rapport qui a été rédigé par les services secrets états-uniens. Il constate d'abord que 2/3 des fonds transférés durant la guerre en Suisse et au Liechtenstein ont été restitués à leurs propriétaires. C'est-à-dire ceux qui, sur ordre des autorités nazies, là, ont placé de l'argent à l'étranger. Par conséquent, des particuliers, des organisations et des entreprises industrielles ont pu récupérer ces avoirs dissimulés et destinés à réaliser des objectifs politiques. Oui, mais enfin, cet objectif-là, la refondation d'un parti nazi, n'est heureusement plus d'actualité. Sans doute. Et tous ces gens qui ont pu obtenir de récupérer cet argent l'ont utilisé pour leur propre compte. Mais il est aussi certain que ces fonds considérables ont aussi servi à la défense des criminels de guerre, ou à leur apporter un soutien matériel. Et là, je pense à tous ces nazis qui ont réussi à fuir l'Allemagne vaincue. Enfin, et c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'argent nazi va finir parfois dans la caisse des partis politiques allemands de l'après-guerre. Mais comment alors ? Je vais vous expliquer, mais enfin n'allons pas trop vite. Il ressort en tout cas de ces premières observations qu'une grande partie des trésors nazis a pu filer sous le nez des alliés sans que ceux-ci puissent s'y opposer. Et d'autre part, il est aussi certain qu'une autre partie de ces fonds est restée à l'abri des coffres bancaires de Suisse ou du Liechtenstein. Sans possibilité de les découvrir. C'est ce que je pense. C'est peut-être le cas encore aujourd'hui. Alors, maintenant, je vous propose de vous intéresser à ce mystérieux personnage que j'ai évoqué au début de cet entretien, Rudolf Ruschevei. Petit retour en arrière. Le célèbre chasseur de nazis Simon Wiesenthal a publié dans un journal allemand en mai 1946 un article intitulé « Capitaux en fuite ». Ayant certainement eu accès aux documents fournis par l'agent double qui a assisté à la réunion de Strasbourg, il révèle une partie du discours que son président aurait prononcé. Extrait. La bataille pour la conquête de la France est perdue. Dès lors, l'industrie allemande doit s'orienter vers la perspective que la guerre ne peut être gagnée. Des mesures doivent être prises pour une offensive économique après la guerre. Pour cette raison, chaque industriel doit chercher et nouer des liaisons avec des établissements à l'étranger, mais à son propre compte et sans susciter de soupçons. Outre cela, dans le domaine politico-financier, le terrain doit être préparé pour un très grand crédit après la guerre. Mais tout cela ne suffit pas. Les industriels doivent être préparés eux-mêmes à financer le parti nazi qui sera contraint de passer à l'illégalité. Alors, qui est-ce, Ruschevei ? Un mot d'abord. Ce personnage qui, selon les services américains, a sans doute été l'un des plus grands trafiquants et profiteurs de la Seconde Guerre mondiale, est toujours passé entre les gouttes. Et bien qu'il se soit constitué une énorme fortune, justement, grâce à la guerre, il n'a jamais été inquiété. Physiquement, comment est-il ? Taille moyenne, forte corpulence, il a un visage rond, il parle d'une voix douce. Mais ceux qui l'ont connu ont aussi évoqué une figure brutale, un faciès de gangster. Sympathique, hein ? Et d'où vient-il ? Il est né à Erfurt en 1905 et dès ses 16 ans, il travaille dans l'entreprise familiale, une fabrique d'appareils de chauffage qu'il abandonne bien vite à ses deux frères pour voler de ses propres ailes. Et c'est à l'étranger, en Hollande, qu'il crée sa propre société. Qui s'occupe de quoi ? Auchevey va en particulier inventer un pneu en caoutchouc par balle, une fabrication qui, avant la guerre, intéresse beaucoup l'armée européenne et qui lui permet d'amasser un joli magot. À noter que peu après la déclaration de guerre en février 1940, Auchevey se fixe au Liechtenstein. Où il va faire construire sa splendide villa octogone. Et il obtiendra des autorités de Vaduz un certificat de nationalité et même un passeport diplomatique qui lui sera bien utile plus tard. Et son engagement alors ? À cause d'une vieille blessure contractée quand il était enfant, il n'est pas mobilisé dans les troupes actives. Mais il est affecté au bureau d'équipement de l'armée du Reich. Puis après la débâcle française, il est muté à Paris, au haut commandement militaire, en tant que conseiller économique. Et que fait-il exactement ? Il s'occupe de superviser les activités de l'organisation OTO, qui, comme vous le savez, est chargée de piller l'économie française. Mais, et c'est le plus important, il est d'ores et déjà membre des services de renseignement de l'armée. Et l'abwehr de l'amiral Canaris. C'est ça. Auchevey est alors très lié au colonel Rudolph, qui en est l'un de ses chefs à Paris. C'est si vrai que les services secrets alliés confondront longtemps les deux hommes. C'est amusant, ça. Et c'est donc un personnage important au sein du renseignement allemand. Incontestablement. Il dispose de plusieurs bureaux. Loge au Ritz, avec une ribambelle d'infirmières qui ne le quitte jamais. Et il mène un grand train. Ses fêtes, où il invite le tout Paris de la collaboration, sont très courues. Et il fréquente assidûment Pierre Laval. C'est même si vrai que le chef du gouvernement français lui aurait confié la gestion d'une partie de sa fortune. Des valeurs soigneusement acheminées jusque dans la villa de Auchevey au Liechtenstein. Comment peut-on le savoir, ça ? Laval essaiera à la fin de la guerre de récupérer son or. Mais il ne sera pas autorisé à se rendre chez Auchevey. Et vous le savez, il sera finalement arrêté en Espagne et transféré en France où il sera jugé et condamné à mort. Laval, oui. Auchevey, agent de renseignement nazi, travaille-t-il aussi à s'enrichir personnellement ? Évidemment, il prend sa part à chaque fois qu'il le peut. Et parallèlement à ses activités de pillard en France, il s'intéresse aussi beaucoup au commerce des armes. Il sert ainsi d'intermédiaire entre le fabricant d'armes suisse Émile Burle et l'armée allemande. Et ce sont principalement les commissions sur ses livraisons d'armes qui vont l'enrichir de façon démesurée. Ça veut donc dire que pendant la guerre, une firme suisse a contribué à armer le Troisième Reich. Parfaitement. Jusqu'en août 1944. Et sans que les autorités fédérales y trouvent à redire, malgré la sacro-sainte neutralité helvétique. D'ailleurs, en Suisse, on n'ignore rien des activités du trafiquant. On suit avec attention les allées et venues de ces luxueuses voitures sur les routes de la Confédération. Et la police établit de nombreux rapports sur ces magouilles. Mais c'est tout. Et que devient alors Auchevey à la fin de la guerre ? Ses bons amis du Liechtenstein, dont le vice-premier ministre de la principauté, l'informent à temps que les comptes nazis en Suisse vont être bloqués. Aussitôt, Auchevey vide ses coffres et transfère le tout dans sa villa octogone, où il a prudemment fait installer d'autres coffres. Et observez bien qu'il faudra plusieurs voitures pour opérer ces transferts. Mais lui-même, craint-il pour sa liberté ? Il a en tout cas de bonnes raisons de le penser. À Paris, son ex-femme, une Française, est rasée. Ouais, mais lui s'est réfugié au Liechtenstein. Dont il a acquis la nationalité, je vous le rappelle. Et puis il dispose d'un passeport diplomatique. En tant que chancelier commercial. C'est ce qui figure sur ce document. Il n'empêche que les polices françaises et suisses s'intéressent à lui. Il reçoit même plusieurs visites dans son sanctuaire de Liechtenstein. Mais bizarrement, un ordre venu de Paris met fin à ses tracasseries. Et en Suisse, où après tout, Auchevey a fait marcher le commerce pendant la guerre, on a guère de raison d'être plus suspicieux que les Français. Ouais. Et on abandonne les enquêtes. Alors. Exactement. Et quelques temps plus tard, Auchevey peut s'envoler tranquillement vers les États-Unis où il va séjourner un long moment en Californie. Alors expliquez, que s'est-il passé ? Eh bien, on a dû se rendre compte que l'homme pouvait être très utile et fournir d'importants renseignements. Et ce « on », là, c'est qui ? Bah, ça ne peut être qu'un ou plusieurs services secrets. Les Américains ? Très certainement. Et au fond, les services états-uniens n'agiront pas autrement avec un homme dont on va forcément reparler, le général Galen. Hmm. Oui, un criminel de guerre, hein, dont ils feront pourtant le responsable du service de renseignement ouest-allemand. C'est déjà la guerre froide, il ne faut pas l'oublier. Et Hochevey, malgré son passé nazi, est dans le bon camp. Il peut donc tranquillement retourner à ses affaires, vente d'armes et transactions commerciales diverses. Mais surtout, Hochevey va être aussi appelé à jouer un rôle essentiel dans le blanchiment de l'argent nazi, via la société Octogon qu'il crée au début des années 50. Cependant, bon, avant de détailler cela plus précisément, voyons ce qui se passe dans l'Allemagne de l'après-guerre. Ouais, l'Allemagne de l'Ouest, hein, c'est-à-dire les trois zones d'occupation gérées par les alliés occidentaux. Oui, les Américains, qui sont les plus influents, ont mis en selle Konrad Adenauer. Ouais, un homme politique qui a toujours été anti-nazi. Hein. Et qui a même, pour cette raison, effectué deux séjours en prison et a été placé en résidence surveillée. Dirigeant du Zentrum, un parti catholique modéré, il est un des fondateurs, après 1945, de la CDU. Ouais, la démocratie chrétienne. Un parti centriste et farouchement anticommuniste. Qui revient. La tâche écrasante de reconstruire l'Allemagne de l'Ouest, qui deviendra un peu plus tard la RFA. Mais avec qui reconstruire, administrer, juger, enseigner ou faire régner l'ordre? Une majorité des fonctionnaires du pays ont eu parti lié avec les nazis quand ils n'ont pas possédé eux-mêmes leur carte du parti. Ça signifie que malgré le discours vertueux qui prône la dénazification, il faudra bien faire avec des gens qui ont été compromis. Bon, je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais je vais vous donner un exemple dans un domaine particulièrement sensible. Lequel ? Celui de la magistrature. On estime qu'entre 60 et 75% des magistrats avaient adhéré au parti nazi. Mais seuls ceux qui ont été des nazis actifs sont révoqués. Et parfois seulement d'une façon provisoire. Et beaucoup de juges de sang, comme on a appelé les magistrats, qui ont prononcé des condamnations à mort, et des condamnations à mort, il y en a eu des dizaines de milliers dans l'Allemagne hitlérienne. Eh bien, même ceux-là vont souvent rester en place. Et ce que je dis pour la magistrature vaut pour la police, l'économie, la diplomatie, et bien sûr pour le monde du renseignement. Donc vous prétendez que la dénazification a été un leurre? Trop souvent. Et en cela, les nouvelles autorités allemandes n'ont fait qu'imiter les forces d'occupation alliées qui, au nom de la lutte contre le communisme, ont recyclé, par exemple, un Klaus Barbie, un Galen et des centaines d'autres criminels de guerre. D'accord. Toutefois, Adenauer, pouvait-il agir autrement? Peut-être. Mais d'une part, il devait compter avec des partenaires politiques, les libéraux, que la récupération des nazis n'effarouchait guère. Et d'autre part, il a été presque obligé de travailler avec des fonctionnaires compétents. Cependant, vous avez raison, la question demeure troublante. Comment expliquer, par exemple, que le chancelier Adenauer ait choisi comme plus proche collaborateur un certain Hans Globke, qui était rien moins que le rédacteur et l'inspirateur des lois racistes de Nuremberg? Un authentique nazi, donc. Et un éminent personnage du Troisième Reich. Ouais. Et on ne s'étonnera pas, alors, de le voir auprès de Konrad Adenauer? Bah, bien sûr que si. Mais le chancelier le protégera toujours. Le chancelier, mais sans doute aussi les Américains. Ce sont eux, semble-t-il, qui ont pesé de toutes leurs forces pour que Globke ne soit pas cité au procès Eichmann. Alors que dans ses notes, le technocrate de la Shoah le mettait clairement en cause. Mmh. Tout ça me paraît quand même très étonnant. Moi aussi, car on comptera jusqu'à 20% d'anciens nazis dans le cabinet du chancelier Adenauer. En tout cas, je pense que vous l'avez compris. Dans cette RFA de l'après-guerre, il existe un climat de connivence en faveur des nazis. C'est d'autant plus vrai que beaucoup d'Allemands, même ceux qui n'avaient eu aucune sympathie pour Hitler, avait le sentiment que la dénazification était imposée par les étrangers. Ouais, les occupants. Et ça va expliquer pourquoi les gens au pouvoir à Bonn vont se laisser aller non seulement à se compromettre avec les anciens nazis, mais aussi à accepter leur sale argent. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Quelques précisions sur la création de la société Octogon. Voici ce qu'on peut lire dans le livre de Fabrizio Calvi et Marc Mazurowski, Le festin du Reich. Le 24 janvier 1952, Hans Klein et Rudolf Rouchevet créent la société Octogon domiciliée à Châne. Au conseil d'administration siègent à leur côté notamment deux directeurs de la fabrique d'armes genevoise Hispano-Suiza et un Américain, Edward Van Dyke White, que l'on dit proche du futur directeur de la CIA, Alan Dulles. Avocat reconverti dans les affaires, White est un personnage qui vaut le détour. Il appartient à ces grands prédateurs américains qui chassent sur les territoires interdits à la recherche de bonnes affaires et non pas leur pareil pour impliquer l'administration américaine dans leur turpitude. Mais, d'après d'autres sources, il est probable que le système Octogon a été mis en place avant même la création effective de la société. Comment utiliser l'argent nazi qui avait fructifié hors des frontières allemandes sans éveiller les soupçons? C'était la question qui se posait en particulier à Rouchevel et à ses relations allemandes. Il fallait imaginer des montages astucieux. Des combines. Évidemment. Ouais. Alors il faut bien dire qu'aujourd'hui encore, l'affaire ne me paraît pas très claire. Je peux simplement affirmer que le trafic va se dérouler au travers de contrats d'armement, vrai ou faux. Et Rouchevel est d'abord un marchand d'armes. Hein. C'est ainsi qu'il a édifié sa fortune. Nous en avons souvent parlé. C'est le commerce qui donne lieu à toutes les magouilles possibles, grâce en particulier au système des rétrocommissions. Ouais, c'est-à-dire ces commissions payées à des intermédiaires, mais dont une partie revient ensuite aux donneurs d'ordre. À ceux qui ont commandé, oui. Et qui sont des politiciens, en général. Forcément. À charge pour eux de reverser un pourcentage de cet argent à leur parti politique, afin de financer les campagnes électorales. Et souvent, les services secrets, qui ont toujours leur mot à dire dans ce genre de contrat, reçoivent aussi leur part. De l'argent noir, donc. Et c'est très pratique de disposer d'une caisse clandestine quand on veut, par exemple, financer des actions illégales qu'un gouvernement ne pourrait pas officiellement assumer. Et Guélen saura en profiter en commanditant des activités anticommunistes ou en aidant ses anciens amis du Troisième Reich. Mais refermons cette parenthèse. L'astuce dans cette combine mise au point par Rouchevel, c'est que ces fameuses commissions ou rétro-commissions vont être payées grâce à l'argent nazi. Ouais, du recyclage, en somme. Et comme vous le savez, l'argent n'a pas d'odeur. Cette pratique est d'autant plus sûre que tous les protagonistes sont liés entre eux par un véritable pacte de complicité. Ouais, donc personne ne peut se laisser aller à parler. Ça paraît vraisemblable. Ajoutez à cela que les premiers achats d'armes allemands sont quasi clandestins. Selon les traités passés avec les Alliés, il est interdit à la Nouvelle-Allemagne de se réarmer. Ouais, mais les Occidentaux vont fermer les yeux. Hein. Bien entendu, toujours à cause de la guerre froide et de la menace soviétique. L'armée rouge, il ne faut pas l'oublier, est aux portes de l'Allemagne de l'Ouest. Donc, il ne faut pas interdire à Bonn de s'armer, même si c'est en contradiction avec les conventions passées après la Seconde Guerre mondiale. Et ces premiers contrats sont donc passés dans l'illégalité. Et par conséquent, ça peut donner lieu à toutes les magouilles possibles. En tout cas, si ces premiers marchés, même clandestin, ne provoque aucun scandale, il n'en ira pas de même lors de la passation d'un énorme contrat au milieu des années 50. Enfin, j'y viens tout de suite. Auparavant, il me faut parler d'un homme qui, sans être au centre du système Octogon, joue quand même un rôle éminent dans cette affaire. Qui ? Un banquier, Robert Firminghes. Il s'agit de l'un des meilleurs amis de Konrad Adenauer. Les deux hommes se sont connus avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir et, dit-on, ils se tutoient. Pendant la période nazie, au nom de l'arianisation des établissements financiers, il est chargé de gérer la banque juive Oppenheimer et finit par l'acheter. Banquier sous Hitler, il est obligatoirement l'un des acteurs économiques du Troisième Reich. C'est ce qu'on lui reprochera plus tard. Mais il fera aussi valoir que ses rapports avec les nazis n'ont pas toujours été harmonieux. Ouais, une ligne de défense. Parfaitement. Ouais. Et après la guerre, alors ? Il reste aux commandes de sa banque. En même temps, sans doute à cause de ses liens privilégiés avec Adenauer, il entre à la direction de la CDU. Et il est particulièrement chargé des questions financières au sein de ce parti. Il devient donc presque naturellement l'un des principaux acteurs du système Octogon, car l'argent des commissions passe par sa banque. Ce qui lui permet ensuite de financer d'une façon occulte la CDU. Ça me semble évident. Alors, j'en viens à ce mirifique contrat qui finira par déclencher le scandale. En 1956, je crois, le ministre fédéral de la Défense, Franz Josef Strauss... Ah, le taureau de la Bavière. C'est ça. Donc, l'homme fort de la CSU, qui est, pour simplifier, la branche bavaroise de la CDU. Donc, Strauss, qui pousse au réarmement de l'Allemagne, il voudrait même qu'elle soit dotée de l'arme nucléaire, passe un énorme contrat via Octogon avec la fabrique d'armes suisse Hispano-Suiza. La commande porte sur la livraison de 10 000 blindés d'un type nouveau. Il y en a pour 2,5 milliards de marques. Ah ben, très bonne affaire, là, pour Rouchevet et sa société. Et pour tous ceux qui vont toucher au passage, oui. Seulement, quand les premiers chars sont livrés en 1962, c'est le scandale. Et pourquoi ? Mais parce que ces nouveaux blindés, dès qu'ils sont mis en service, s'avèrent défectueux et même inutilisables. Enfin, je vous passe les détails, mais c'est un désastre. Un désastre, alors très coûteux. Effectivement. Mmh. Alors la presse, les parlementaires s'en mêlent. Et on va découvrir une partie du poteau rose. Ah, les commissions ? Oui. L'ambassadeur de RFA à Berne, qui est bien placé pour connaître une partie de la vérité, affirme même être en possession d'une liste de 15 politiciens qui ont touché à l'occasion de la signature de ce contrat. Mmh. Il y a donc une enquête. Mais du côté de Galen, le patron du BND, c'est-à-dire du service de renseignement, on freine des cas de fer. Ouais, on doit pourtant être dûment informé, hein, si je vous ai bien compris. Bien entendu. Il est presque certain que les services secrets ont été associés au marché des blindés. Mais malgré ces manœuvres d'obstruction, il n'empêche que la justice allemande, aiguillonnée par quelques journalistes, poursuit son enquête. Et dans sa ligne de mire, il y a un parlementaire, Werner Plappert, un des ténors du parti d'Adenauer, la CDU. Un homme qui est donc censé savoir, hein, mais parle-t-il ? Non, mais visiblement, il est déstabilisé par les rumeurs qui courent sur son compte. Et prêt à révéler la vérité, il risque d'être le principal témoin à charge contre les corrupteurs. Mais il n'en aura pas le temps. Alors qu'il va être auditionné, on retrouve un beau matin son corps au bord du lac de Constance. Mmh. Un assassinat ? Bon, probablement. Mais pour les autorités allemandes, c'est naturellement un suicide. Toutefois, bientôt, un autre député démocrate chrétien, Otto Lenz, va lui aussi mourir dans des circonstances mystérieuses. Comme Plappert, il était sur le point d'être auditionné. Et il aurait touché lui aussi ? Certainement. Mais il meurt en Italie, sur l'île d'Ischia. Près de Naples, hein. Oui, officiellement, il est mort de la malaria. Mais enfin, ça ne me paraît pas très sérieux. C'est ce que dira sa secrétaire et maîtresse, une jolie femme nommée Maria Claire. Et elle demande à être entendue par la commission d'enquête pour dire ce qu'elle sait. Et sur la corruption de son patron et amant ? Et sur l'élimination de Lenz, qui avait décidé de parler. Toutefois, Maria Claire elle-même ne sera jamais officiellement auditionnée, car elle disparaît. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Hmm. Deux morts et une disparition, donc, et peut-être trois assassinats. C'est ce qu'on peut raisonnablement penser. Donc on ne connaîtra jamais la vérité. Et pourtant, dans cette affaire trouble, la justice ne refermera le dossier qu'en 1979. Hmm. Et ce Rouchevet, qu'est-il devenu, hein ? Il est mort en 1956 dans un accident de voiture. Hmm. Encore une mort suspecte ? Bon, sincèrement, je n'en sais rien. Mais la disparition de cet homme sulfureux n'a certainement pas chagriné les hommes qui, à Bonn, pouvaient craindre qu'il se mette un jour à révéler ce qu'il savait. Quoi qu'il en soit, sa mort est passée quasi inaperçue. Mais il est vrai qu'en 1956, l'actualité était particulièrement chargée. Ah oui, et ça arrangeait bien du monde. Hein. Ben, on peut l'imaginer. Ça signifie en tout cas qu'avec la mort de cet homme clé, disparaît aussi la... Bah, la possibilité de découvrir tous les secrets du trésor des nazis. Et de tous ces comptes bancaires qui ont proliféré en Suisse et au Liechtenstein. Dans les années 60, un expert américain de la CIA a estimé que le magot se montait au moins à 1 milliard de francs suisses. Alors, conclusion ? Cette affaire a incontestablement terni l'image du chancelier Adenauer, le père de la nouvelle Allemagne. À la fois parce qu'elle a mis en évidence les insuffisances de la dénazification, et qu'elle a montré que la CDU avait été corrompue. Et c'est pourquoi les thuriféraires d'Adenauer ont fait pression pour que le film « Le système Octogon » ne soit pas diffusé sur la chaîne franco-allemande Arte. Mais si vous le voulez bien, nous parlerons la semaine prochaine d'un autre scandale de financement occulte du monde politique. Et cette fois, c'est le chancelier Kohl qui sera sur la sellette. Je vous rappelle que le film de Jean-Michel Meurice, Le système Octogon, sera diffusé le 1er juin à 21h30 sur Arte. Des livres aussi chez Fayard de Fabrizio Calvi, l'un des co-auteurs du film, et Marc Mazurowski, une impressionnante somme, Le festin du Reich, sur le pillage de la France occupée. De Marie Bénédicte Vincent chez Perrin, La dénazification, et enfin d'Alfred Wall chez Armand Collin, La seconde histoire du nazisme. Enfin, pour les plus curieux d'entre vous, le fonds de l'historien Jacques Delarue, déposé à la BDIC, Bibliothèque de documentation contemporaine à Nanterre, renferme de nombreux documents sur les sujets que nous avons abordés, sous réserve, bien sûr, de l'accord de Jacques Delarue. Tout à fait autre chose. Je vous signale la récente parution d'un roman policier, Opération Fleming, paru chez Ballant, qui, en ces temps de faste princier, m'a paru particulièrement réjouissant. L'auteur, Mitch Silver, y a habilement tissé une fiction diabolique et échevelée, où, à partir de la sympathie avérée du duc de Windsor pour l'idéologie nazie, l'auteur explique aussi pourquoi Lady Di a trouvé la mort une nuit de 1997 sous le tunnel du pont de l'Alma. Sur franceinter.com, vous pourrez nous joindre à écouter cette émission. Rebecca Denante et Pierre Firsion ont préparé cette émission. Merci aussi à Michel Billou pour sa réalisation et à Monsieur Jou pour ses notes de musique. Et tout de suite, après le flash, CO2 mon amour de Denis Chessou.